1-3-5. Yo, yo, yo. Ouais, c'est du rap. Anti-PDH. 1-3-5. Rap anti-but, si tu me tacles, on se dispute. Ouais, rap anti-flic, faut que je marque mon petit but. J'oublierai pas les heures de jol, l'école et tous ces heures de colle. Vas-y, rigole, fais pas le mac, élève ta main de mon épaule. Les folles, elles veulent la drogue, accompagnée du chéri Cola. Combien y'a de frères en tol, poteau à cause du cher Nicolas. Oh là, c'est un braquage au mic, mec, mec. Ça boit la vodka sec, calé freestyle, pète au bec. Impec, demain c'est vendredi, faut que je touche ma paye. Je rentre chez moi, il est 1h, je vais encore faire un son qui paye. Assez parlé des femmes, elles te veulent pas, moi dis ma mère. Je te jure la vie de ta mère, chez moi c'est ma jean la merde. Ton pote était trop speed, j'étais obligé de le calmer. J'ai trop vu blues, Scarface, pour ça que j'aime pas les cramer. Au check ça va la peu, venez je rabats les clients. Quoi qu'est-ce qu'il y a, ils me contrôlent, je les pisse en riant. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. Je me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. Je me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y. Je fais ça bien, réfléchis si ça craint. Pour moi les sous c'est sacré, genre comme ça y'a. Sa crème. Et je pense à chi, loup comme la vissée. Nul, l'absence de ta mère quand tu en sais. Lul, je fais des rimes de fou, de skeg. Et ça t'étonne, mon pote reste à l'affût le soir. Quand ça pétonne, je veux pas courir derrière les femmes. Toi même tu sais j'aime plus le sport. Si tu enchaînes, tu vois un stunt, mon seigneur le Hustor. J'ai fait plein de soins pour se céder mais j'en sortirai qu'un peu. Joule c'est la patate à consommer avec un joint. C'est pas le maquillage qui tremble, en deux mots je t'emballe. Un peu de gang grambelle, je te ken et je te ramballe. Et quand tu es en bas, cesse de faire le Rambo. Et ouais c'est fini maintenant, c'est la voiture qui trambose. Toi qui volé, donc maintenant tu vas, tu rentres tout. Y'a le feu dans la défense, j'calcule pas, moi je tire en tout. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. J'me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. J'me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. J'me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y. Il faut que je gratte, il me faut du liquide, faut que ça claque dans ma tête. J'me dis faut faire des sous et mettre bien la daronne. 1-3-5, City, ça pisse le Carrefour City. Tu fais le mec qui achète des calages pour tes couilles, allez vas-y, tire. 1-3-5.